إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous reprenons ce soir la lecture des hadiths mentionnés par Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre « Les jardins des vertueux » au chapitre sur le repentir. Il a dit rahimahullah « وعن زير ابن حبيش rahimahullah قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. زير ابن حبيش, الله لي فاس ميزيريكورد, a dit: Je me suis rendu auprès de Safwan ibn Assal, qu'Allah l'agré, afin de l'interroger au sujet de l'effleurement des chaussons. فقال ما جاء بك يا زير. Il me dit alors: Qu'est-ce qui t'amène, ô زير? فقلت ابتغاء العلم. J'ai dit la recherche de la science. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Il dit alors, les anges posent leurs ailes pour celui qui recherche la science à titre de satisfaction de ce qu'il recherche. On voit donc dans cette première partie du hadith le mérite de la science et le mérite de la recherche de la science à travers le questionnement des gens de science. Et la science en question ici est bien entendu la science religieuse, la science du Coran et de la Sunnah. C'est cette science-là qui est visée par tous les textes mentionnant les mérites de la science, les mérites de sa recherche et les mérites des gens de science. On voit donc ici que Zir est venu voir Safwan pour l'interroger au sujet de l'effleurement sur les chaussons. Il a une question, il se rend donc auprès d'un homme de science afin de l'interroger. Et lorsque Safwan apprend qu'il est venu pour rechercher la science, il lui annonce cette bonne nouvelle. Que les anges posent leurs ailes pour celui qui recherche la science, à titre de satisfaction de ce qu'il recherche. C'est-à-dire que les anges font cela par respect et par révérence pour l'étudiant en science. Et ceci nous montre le rang éminent des gens de science et le mérite immense de la recherche de la science. Ensuite il dit, فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. Je lui ai dit, je suis préoccupé par la question de l'effleurement sur les chaussons après avoir fait ses besoins. وَكُنْتَ مْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَجِئْتُ أَسْأَلُكِ. Et comme tu étais un homme qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu t'interroger. هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ L'as-tu entendu mentionner quelque chose à ce sujet? قال نعم. Il répondit que oui. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. لكن من غائط وبول ونوم. Lorsque nous étions en voyage, ou lorsque nous étions voyageurs, il nous ordonnait, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas retirer nos chaussons durant 3 jours avec leur nuit, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits. Sauf en cas de janaba, sauf en cas d'impureté majeure. Mais après les selles, l'urine et le sommeil. C'est-à-dire qu'après avoir dormi, ou après avoir fait ses besoins, il leur ordonnait de garder leurs chaussons et de ne pas les retirer au moment des ablutions, mais plutôt de pratiquer l'effleurement. Donc Zir, rahimahullah, il s'interrogeait au sujet du jugement de l'effleurement après avoir fait ses besoins. Cela le préoccupait. Et c'est pour cela qu'il s'est rendu auprès de Safwan pour le questionner et savoir s'il avait entendu quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et on profite ici d'un bénéfice immense, qui est la nécessité pour le musulman de revenir aux gens de science pour les interroger, afin de profiter de leur savoir. Même si tu dois pour cela faire des efforts, te déplacer, tu ne dois pas négliger cela. Mais il est nécessaire, lorsque quelque chose te préoccupe ou te pose problème, d'exposer cette question aux gens de science. Et médite ici sur la parole de Zir qui dit « Comme tu es un homme qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » C'est pour cela qu'il vient l'interroger lui particulièrement. Il n'est pas parti interroger n'importe qui. Mais il a cherché parmi les gens qui pourrait lui donner l'information la plus sûre à ce sujet. Il a donc cherché un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc à travers cela que certes, le musulman se doit d'interroger au sujet de sa religion, mais qu'il ne faut pas non plus interroger le premier venu. Tu dois t'assurer que celui que tu interroges est bien digne d'être interrogé, et choisir une personne en qui tu as confiance concernant sa science et sa religiosité, et ne pas interroger le premier venu sous prétexte que il est facilement joignable ou qu'il répond à toutes les questions ou autre chose semblable. Mais tu interroges la personne la plus digne parmi ceux à qui tu as accès. Donc lorsque quelque chose te pose problème au sujet de ta religion, lorsque quelque chose te préoccupe, tu cherches celui qui est le plus savant au sujet de cette chose, et tu poses ta question afin de lever tout doute de ton cœur, et ne pas rester confus. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent nombre de personnes. Ils sont perturbés ou préoccupés par une question religieuse, et étant donné qu'ils n'interrogent pas la bonne personne, qu'ils interrogent le premier venu, ou qu'ils interrogent celui qui n'est pas apte à répondre à cette question, même s'il peut parfois avoir de la science, mais que ceci n'est pas son domaine, qu'il n'a pas de science profonde à ce sujet, alors sa réponse ne va pas lever ta confusion. Ceci est une erreur. Mais tu dois chercher à interroger celui qui va lever toute confusion dans ton cœur, et lever toute ambiguïté, afin d'être apaisé et ne plus avoir aucune gêne au sujet de ce qui te préoccupait. On voit également parmi les bénéfices de cette partie du hadith la recommandation de faire l'effleurement et de ne pas retirer ses chaussons ou ses chaussettes pour faire les ablutions lorsqu'on les a mis après s'être purifié. Et on voit également la permission de pratiquer cela durant 72 heures pour le voyageur, 3 jours et 3 nuits. Quant au résident, la permission est de 24 heures, un jour et une nuit. Et cette durée commence à partir du premier effleurement pratiqué après avoir perdu les ablutions. Et les détails au sujet de l'effleurement sont à étudier dans les livres de jurisprudence. Et je vous invite à ce sujet à revenir aux cours qui sont enregistrés, et notamment les cours sur la jurisprudence simplifiée. Vous retrouverez dans cette série un cours complet au sujet de l'effleurement et des règles liées à ce sujet. Continuons donc la suite de ce hadith. Il dit, rahimahullah, faqultu. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ Je lui ai dit, donc c'est Zir, qui s'adresse toujours à Safwan, l'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de l'hawa? Et ce qui est visé par l'hawa ici, c'est l'amour. Donc Zir lui demanda s'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose au sujet de l'amour. Safwan lui répondit oui. Nous étions en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que nous étions auprès de lui, un bédouin l'interpella à haute voix en disant « Oh Mohammed !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors sur le même ton et dit « Me voici !» Faqultu lahu, Safwan s'est alors adressé au bédouin et lui a dit « Wayhak, malheur à toi !»« Urdud min sautik, fa innaka inda nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam !» Baisse le ton, car tu es auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wa qad nuhita an hada !» Et cela t'a été interdit. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran d'élever la voix auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit au verset 2 de Surat al-Hujurat. Mais les bédouins, en raison de leur éloignement des villes et leur éloignement de la science, ils ignorent beaucoup de choses au sujet des bienséances. C'est pour cela qu'il élève la voix pour s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Safwan lui interdit cela et le bédouin de répondre « Wallahi la ardud. Par Allah, je ne baisserai pas la voix, je ne baisserai pas le ton. » Qala al-A'rabi, le bédouin dit ensuite, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Al-mar'u yuhibbul qawm, walamma yalhaq bihim. » L'homme aime les gens, mais il n'est pas parvenu à eux, il n'est pas parvenu à leur rang. Il voulait dire par cela qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aime ses compagnons radiyallahu anhum, mais qu'il n'a pas atteint leur rang en termes d'œuvres et ainsi de suite. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés au jour de la résurrection. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés au jour de la résurrection. Et ceci est une nouvelle immense et un grand bienfait dont nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et Anas radiyallahu anhu a rapporté également cette partie du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui lui a dit qu'il aimait Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, tu seras avec ceux que tu as aimés. Alors Anas radiyallahu anhu disait, et moi j'aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit dans l'explication de ce hadith, et nous aussi nous prenons Allah à témoin de notre amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour ses califes bien guidés, pour ses compagnons radiyallahu anhum, et pour les imams de la religion venue après eux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Ceci, c'est une nouvelle immense pour tout musulman qui aime avec véracité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes ses compagnons radiyallahu anhum, même si tes œuvres sont moindres que les leurs, alors tu seras avec eux au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Allah te réunira avec eux et à leur côté, au moment du grand rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala te réunira à leur côté pour boire du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il te réunira avec eux au paradis. Donc ceci nous montre l'importance pour le musulman d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer les compagnons radiyallahu anhum et d'aimer les croyants de manière générale. Et de prendre garde à ne pas aimer ceux qui s'opposent à cette religion. Nombre de personnes malheureusement aujourd'hui ont de l'amour pour certaines personnes mécréantes, polythéistes, ou alors les pervers parmi les gens qui s'affilient à cette religion, comme ceux qui se fanatisent pour certaines personnes connues parmi les acteurs, les chanteurs, les sportifs ou autres. Ne crains-tu pas que cet amour soit une cause te menant à te retrouver avec eux au jour de la résurrection? Prends garde à cela et fais en sorte de n'aimer que les vertueux parmi les hommes, à commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les quatre califes bien guidés, l'ensemble des compagnons radiyallahu anhum, ainsi que les imams et les savants de cette religion, afin d'être avec eux au jour de la résurrection, et ne pas être ressuscité avec les polythéistes, les mécréants et les pervers, wal'iyadu billah. Il dit ensuite, rahimahullah, فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ 40 أو 70 عَامًا. Il ne cessa de nous parler, c'est-à-dire Safwan, ou de nous rapporter des hadiths, jusqu'à ce qu'il évoque une porte se trouvant à l'ouest, dont le temps pour parcourir la largeur ou le temps que mettrait un cavalier pour parcourir sa largeur est de 40 ou 70 années. Donc c'est une porte très large, une porte immense. Qala Sufyan, ahad al-ruwat, Sufyan, qui est un des rapporteurs, a dit « Qibal al-Sham ». Cette porte se trouve du côté du Sham. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة. الله أكبر. Allah l'a créé le jour où il a créé les cieux et la terre, ouverte au repentir. Une porte immense, si large qu'il faudrait un cavalier pour parcourir sa largeur 40 ou 70 années de course. Et cette porte est ouverte au repentir. Il dit ensuite, la yughlaq حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. Elle ne sera fermée que lorsque le soleil se lèvera de son côté, lorsque le soleil se lèvera de son couchant. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, et il a dit, c'est un hadith حَسَنٌ صَحِيحٌ. Donc ce passage du hadith, c'est la raison pour laquelle Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala l'a mentionné dans ce chapitre. Car il nous démontre que la porte du repentir est large et qu'elle est ouverte. Tant que tu es vivant et tant que le soleil ne s'est pas levé de son couchant, alors la porte du repentir est ouverte. Et ceci est une bonne annonce pour le croyant qui souhaite revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Sache que cette porte est ouverte Que ton Seigneur est pardonneur, qu'il est miséricordieux, qu'il est grand accueillant au repentir. Ne persiste pas dans les péchés et ne désespère pas de la miséricorde de ton Seigneur. Quels que soient les péchés que tu aies pu commettre, comme on va le voir dans le hadith suivant, Inch'Allah ta'ala. Et plutôt, une bonne opinion de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et rappelle-toi que cette porte, la porte du repentir, est ouverte, et que tant que tu es vivant, il est encore temps pour toi de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, de t'améliorer, de corriger ta situation, et de chercher à te réformer. Et une fois que le soleil se lèvera de son couchant, alors il n'y aura plus de repentir, comme on l'a mentionné dans l'explication des hadiths précédents dans le cours passé. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100. D'après Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Parmi ceux qui vous ont précédés, parmi les communautés précédentes, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda alors qui était le plus savant des gens sur terre, et on l'orienta vers un adorateur. Il se rendit à lui et lui dit qu'il avait tué 99 personnes, et lui demanda s'il y avait pour lui un repentir. » L'adorateur lui dit que non. Il le tua alors, complétant ainsi, à 100, le nombre de ses victimes. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكْ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ. Il demanda à nouveau qui était le plus savant des gens sur terre, et on l'orienta cette fois vers un homme savant. Il lui dit alors qu'il avait tué 100 personnes, et lui demanda s'il y avait pour lui un repentir. Le savant lui répondit que oui, et lui dit « Et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir ? Qu'est-ce qui s'interpose entre toi et le repentir ? Rends-toi dans telle contrée. » Il s'y trouve des gens qui adorent Allah. Adore donc Allah avec eux et ne retourne pas vers ta contrée car c'est une mauvaise contrée. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. Il prit donc la route et arriva à mi-chemin, la mort vint à lui. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Les anges de la miséricorde se disputèrent donc à son sujet avec les anges du châtiment. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu repentant, le cœur dirigé vers Allah le Très-Haut. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. Et les anges du châtiment dirent, il n'a jamais fait le moindre bien. فأتاهم ملك في صورة آدمي. Un ange vint alors à eux sous l'apparence d'un homme, car les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Bi'inillahi ta'ala. Faja'alouhu baynahum ay hakama. Ils le prirent alors entre eux comme arbitre. Faqala qisu ma bayna al-ardayn, fa ila ayyatiha kana adna fa huwa lah. Ce dernier leur dit, mesurez la distance qui le sépare des deux contrées, et il sera à celle dont il est le plus proche. Faqasu فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. Ils mesurèrent et le trouvèrent plus proche de la contrée vers laquelle il se rendait. Les anges de la miséricorde prirent donc son âme. Muttafaqun alayhi. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا. Et dans une autre narration authentique, il était plus proche de la contrée vertueuse seulement d'un empan. On le considéra donc comme l'un des leurs. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ تَقَرَّبِي. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. Et dans une autre narration authentique, Allah ordonna alors à sa contrée d'origine de s'éloigner et à la contrée vertueuse de se rapprocher. Et il dit, mesurez la distance qui les sépare. Ils le trouvèrent alors plus proche de la contrée vertueuse d'un empan et on lui pardonna. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Et dans une autre narration, il dirigea sa poitrine en sa direction. Donc ce hadith, c'est un hadith immense comprenant de nombreux bénéfices. Et on se contentera ici d'en mentionner quelques-uns. Parmi eux, et c'est le bénéfice le plus immense, et celui qui est lié à ce chapitre, et c'est le fait que la porte du repentir, comme on a dit, est toujours ouverte, quels que soient les péchés que tu aies pu commettre, aussi graves soient-ils. Et tu ne dois pas penser qu'il n'est pas possible de te repentir, sous prétexte que tu as fait tel ou tel péché. Mais à partir du moment où tu te repens d'un repentir sincère, en remplissant les conditions du repentir que l'on a déjà mentionnées, en cessant le péché, en ayant des remords pour le passé, en ayant la ferme volonté de ne plus retourner à ce péché, de ne plus retomber dedans, et en réparant les torts causés si torts ont été causés. Si tu fais cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, durant un moment d'acceptation du repentir, alors Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Et celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis ce péché. Quelle que soit la gravité du péché, si tu es sincère et que tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te pardonnera. Et médite à ce sujet sur les versets 68 à 70 de Surat al-Furqan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, décrivant les serviteurs du Tout Miséricordieux. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Ce sont ceux qui n'invoquent pas avec Allah un autre Dieu, ne font pas de shirk. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf de bon droit. وَلَا يَزْنُونَ. Et ils ne commettent pas de fornication. Ceci fait partie des caractéristiques des serviteurs du Tout Miséricordieux. La caractéristique la plus immense est qu'ils ne font pas de shirk. Car le shirk est le plus grave des péchés. Celui qui le commet, il sort de l'islam. Également, ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ils ne font pas de meurtre. Car le meurtre est un grave péché. Également, ils délaissent la fornication. Ils ne la commettent pas. Car la fornication fait partie des grands péchés. Puis ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Car quiconque fait cela encourra une punition, encourra un châtiment. Celui qui fait du shirk, ou celui qui commet un meurtre, ou celui qui commet la fornication. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Et le châtiment lui sera décuplé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement avili, couvert d'ignominie. Celui qui commet ses péchés. Quels sont ses péchés? On a dit le shirk, le meurtre, la fornication. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant? Illa man tab. Sauf celui qui se repent. Wa aman. Wa amila amalan saliha. À la fois. Et fait une œuvre pieuse. Sincère pour Allah. Conforme à la sunna du messager d'Allah. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. À cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sauf celui qui se repent. Celui qui se repent du shirk qui est le plus grave des péchés. Allah le pardonne. S'il est sincère et qu'il revient au tawhid, qu'il vous son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah le pardonne et change ses mauvaises actions en bonnes. Celui qui commet les meurtres, celui qui commet la fornication, s'il revient d'un cœur repentant à Allah, qu'il cesse ce péché, qu'il a des remords pour le passé, et qu'il a la ferme volonté de ne plus commettre ce péché, Allah le pardonne. Il change ses mauvaises actions en bonnes, à condition qu'il ait la foi et qu'il œuvre pieusement. Donc ceci nous montre que quelle que soit la gravité des péchés qu'une personne peut commettre, tant qu'elle est encore en vie, que le soleil ne s'est pas levé dans son couchant, alors la porte du repentir est ouverte. Et Allah pardonne à celui qui se repent. Parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith également, il y a l'importance de revenir aux gens de science afin d'obtenir la réussite et le salut ici-bas et dans l'au-delà. Mais lorsqu'on dit qu'il faut revenir aux gens de science, comme on a dit dans l'explication du hadith précédent, il faut revenir aux personnes dignes d'être interrogées, et bien faire la distinction entre le savant et celui qui s'assimile à lui, alors que ce n'en est pas un. Tu dois prendre garde à cela, car nombreux sont ceux qui s'assimilent aux savants alors qu'ils n'en font pas partie. Tu ne dois revenir qu'aux vrais savants, ne pas interroger n'importe qui. Aujourd'hui, on voit des gens qui posent des questions sur les réseaux sociaux, par exemple. Il pose sa question, comme ça, publiquement, et n'importe qui lui répond, et il dit d'accord, barakallahu fik. Sans chercher à savoir qui est cette personne, est-ce que c'est un musulman ou un mécréant, est-ce que c'est une personne sur la sunna ou non, est-ce que c'est une personne de science ou non, il ne sait pas. D'accord, barakallahu fik. Tu dois chercher le vrai savant pour poser tes questions. Et parmi les bénéfices immenses que l'on voit dans ce hadith, il y a le fait de ne pas se laisser leurrer par les efforts de l'adorateur. Car ses efforts dans l'adoration ne font pas de lui un savant, aussi vertueux soit-il. Mais tu ne dois revenir qu'au vrai savant, et prendre garde à qui tu interroges, prendre garde à tes références en matière de religion. Ne pas écouter n'importe qui, ne pas écouter le premier venu, ne pas écouter tel ou tel sous prétexte qu'il est beaucoup suivi, qu'il a beaucoup d'abonnés, et ainsi de suite, non. Mais reviens aux personnes de science dignes de confiance, parmi les gens de la sunna, parmi ceux en qui tu as confiance concernant leur religiosité et leur science. Et ne te laisse pas leurrer par les beaux parleurs ou les beaux orateurs, ou par les efforts d'une personne dans son adoration, ou par son éloquence, ou par le fait qu'il s'exprime d'une belle manière, ou qu'il parle bien arabe, ou autre chose semblable, comme on peut le voir chez nombre de personnes parmi nos frères et sœurs, qui se laissent leurrer par la moindre chose, même parfois par des gens les plus ignorants, et les plus loin de la sunna. Wallah al-musta'an. Donc fais bien la distinction entre les gens de science et ceux qui s'assimilent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. Au risque de mettre en péril ta religion. Regarde cet homme ici. Il veut se repentir. Il demande qui est le plus savant sur terre. Et on lui montre qui dans un premier temps? On lui montre un adorateur. Et ceci nous montre que la masse des gens, ce n'est pas à eux de désigner qui sont les savants vers qui on revient. Car il se peut qu'il désigne une personne comme étant un savant alors que ce n'en est pas un. Il demande le plus savant sur terre, on lui indique un adorateur. Car il pensait peut-être que c'était un savant. Ils se sont fait leurrer par ses efforts en adoration. Et comme il s'est rendu auprès de cet adorateur qui n'était pas apte à répondre à sa question, alors il a aggravé sa situation, il a commis un meurtre en plus. Et ceci nous montre la gravité de parler sans science au sujet de la religion. Prends garde à ne pas parler au sujet de la religion d'Allah sans science. Prends garde à ne pas répondre à une question religieuse alors que tu en ignores la réponse. Ne dis pas « je pense » ou « peut-être que » et ainsi de suite, non. Si tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas, Allahu a'lam ». Regarde ici cet adorateur. Il a sûrement été surpris de la gravité du péché de cet homme. 99 meurtres. Ceci l'a tellement surpris qu'il pensa que cet homme ne pouvait pas se repentir. Et par son ignorance et son audace à parler sur la religion sans science, il a aggravé la situation de cet homme. Et beaucoup sont ceux à agir ainsi aujourd'hui, à obstruer la voie du repentir, à obstruer la voie du retour à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant désespérer les gens. Et ce, en raison de leur ignorance. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question, prendre garde à cela et craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pas parler au sujet de la religion sans science. Ne pas se mettre en avant pour parler de la religion alors que tu n'en as pas les aptitudes. Et ne pas répondre à une question dont tu ignores la réponse. Si tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas », c'est tellement simple. Et tu renvoies une personne qui sait si tu connais une personne qui est susceptible de savoir. Sinon tu te tais. Et tu te seras ainsi préservé d'un grave péché. On voit aussi à travers ce hadith l'importance de s'écarter des causes menant au péché, et notamment en s'éloignant des endroits où ils sont commis. Regardez ici ce que le savant lui a dit. « Rends-toi dans telle contrée. Il s'y trouve des gens qui adorent Allah, adore donc Allah avec eux et ne retourne pas vers ta contrée, car c'est une mauvaise contrée. Il se peut que s'il retourne dans sa contrée, il commette à nouveau ce péché. Il va se retrouver dans la même situation, dans le même cadre, dans la même ambiance, et il se peut qu'ils soient amenés à replonger dans ce péché. Combien sont ceux à retomber dans les péchés lorsqu'ils gardent leurs anciennes fréquentations parmi les gens, ou qu'ils persistent à rester dans de mauvais endroits dans lesquels les péchés sont commis, et ainsi de suite. Donc si tu veux délaisser les péchés et te repentir, tu dois t'écarter des causes menant au péché et t'éloigner des endroits où les péchés sont commis. Et ceci nous indique également l'importance de la hijra, l'importance de l'émigration de la terre de mécréance vers la terre d'islam. Car celui qui a vécu de nombreuses années dans l'insouciance, en terre de mécréance, parmi les polythéistes, au milieu des péchés, de la perversion, du kufr, du shirk et ainsi de suite. Il se peut que son cœur ne soit même plus sensible à la gravité de certaines choses qui y sont commises. Il ne prête plus attention à la gravité des choses qu'il voit autour de lui. Il ne considère plus les choses à leur juste mesure, en raison de l'influence de l'environnement dans lequel il se trouve. C'est pour cela que celui qui se trouve en terre de mécréance parmi les polythéistes, dans ces endroits, il ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit. Alors il lui incombe d'émigrer en terre d'islam et de quitter la terre de mécréance pour un pays dans lequel il pourra pratiquer sa religion comme il se doit d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ne pas retourner dans ces pays mauvais, ne pas retourner dans ces pays, s'en écarter autant que tu peux. Et ne retourne pas vers ta contrée car c'est une mauvaise contrée. Et ça c'est un rappel pour nos frères et sœurs parmi les muhajirines qui pourraient avoir dû laisser aller à ce sujet. Et ne pas se rendre compte du danger auquel ils s'exposent en multipliant les allées et venues vers les terres de mécréance. Ces terres qu'ils sont censés avoir quittées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces terres dans lesquelles ils ont peut-être commis de nombreux péchés. Ces terres dans lesquelles ils vont se retrouver dans des endroits qui vont leur rappeler de mauvais souvenirs. Ces terres dans lesquelles ils vont croiser des personnes qu'ils ont connues à l'époque de leur insouciance ou de leur mécréance. Et tout cela est un danger pour la religion de la personne. Ne retourne pas dans ta contrée car c'est une mauvaise contrée. Tu risques de replonger dans les péchés. Tu risques de délaisser la droiture. Tu risques de dévier du droit chemin et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Enfin, parmi les bénéfices que l'on va mentionner ici, et les bénéfices sont bien plus nombreux en réalité, mais on va se contenter de cela, il y a dans ce hadith la preuve du mérite immense du repentir, lorsque celui-ci est un repentir sincère. Car comme vous le voyez dans ce hadith, les anges du châtiment ont dit que cet homme n'avait jamais fait le moindre bien. En effet, il vient juste de se repentir et prendre le chemin pour se diriger vers la contrée dans laquelle les gens adorent Allah avec l'intention d'adorer Allah avec eux. Il n'avait aucune action en dehors de son repentir et de son cheminement vers cette contrée. Malgré cela, cet homme a été pardonné pour ses péchés. Et ceci nous démontre que celui qui est sincère, qui est véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir et le pardonne et il est semblable à celui qui n'a pas commis de péché. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra dans le prochain cours un long hadith ou une partie de celui-ci concernant le repentir du noble compagnon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.